Épicure peut-il nous orienter dans la vie? Il y a dans l'histoire de la philosophie des noms propres qui sont devenus des adjectifs, c'est même le propre sans doute de toutes les grandes philosophies. On dit à partir de Descartes, cartésien, à partir de Bergson, bergsonien, etc. et ainsi de suite. Il est aussi des noms qui sont devenus vraiment des adjectifs de la vie commune pour des attitudes dans la vie. On dit par exemple à partir de Machiavel que quelqu'un est machiavélique. Eh bien, on dit aussi à partir du philosophe de l'Antiquité Épicure qu'il y a des épicuriens, et souvent c'est même devenu une insulte. Ce ne sont pas seulement les gens qui recherchent les plaisirs, mais des gens qui sont accusés parfois de mettre le plaisir avant toute chose de manière égoïste et en négligeant les autres biens de la vie humaine. Pourtant, Épicure, ce nom propre d'un philosophe de l'Antiquité, a aussi été vénéré comme un sage parmi les sages, au moins ou égal à toutes les autres grandes sagesses de l'Antiquité, et son plus grand disciple peut-être, le poète-philosophe Lucrèce, dans le De Natura Rerum, en fait un dieu parmi les humains parce qu'il avait atteint le critère ultime de la sagesse humaine, celui de la sérénité absolue, la capacité à supporter les souffrances. Non pas du tout ces pourceaux d'épicuriens qui rechercheraient un plaisir sans fin, mais au contraire, un détachement, une sérénité par rapport à la souffrance qui fait d'Épicure un modèle de sage, un dieu parmi les hommes. Qui était donc Épicure? Il nous en reste très peu de choses. Il nous reste quelques lettres, dont l'admirable lettre à Ménécée. Il nous reste son quadruple remède pour toutes les souffrances de la vie humaine, qui s'appuie sur un principe extrêmement simple. C'est l'idée que le plaisir n'est pas chez lui justement l'objet d'une quête infinie, d'un désir indéterminé, d'une fuite en avant et d'un mauvais infini au sens le plus fort du terme, mais au contraire, le plaisir est un critère pour le bonheur qui tire sa force de sa limite même. Nous avons un plaisir quand une douleur cesse et quand la satisfaction est atteinte et ne peut pas aller au-delà. Par exemple, quand nous avons rassasié notre appétit après une faim qui nous tenaillait, eh bien, ça s'arrête et tout mangeur rencontre une forme de limite dans son plaisir. Le plaisir, ça n'est pas l'illimité, mais au contraire la limite. Et puis, ça nous indique aussi que la souffrance est le vrai mal. Le malheur est dans la souffrance elle-même et ce qu'il faut éviter, cette souffrance. Ça nous donne donc une boussole extrêmement simple pour notre vie, pour toute notre vie. Il y a alors ce quadruple remède très célèbre du grand sage Épicure. Ne craignez pas les dieux, ne vous inquiétez pas de la mort. La mort n'est rien pour nous, disait-il aussi, parce que nous ne la ressentiront pas comme une souffrance, puisque nous ne serons plus là. Le bonheur est facile à obtenir et la souffrance est facile à supporter. Peut-être que le problème est seulement dans ce dernier terme, non pas dans sa philosophie du plaisir, qui est très profonde, et son orientation vitale, mais plutôt dans son attitude vis-à-vis de la souffrance qu'il partage avec tous les grands sages de l'Antiquité. L'idée que la souffrance est facile à supporter, qu'elle est d'abord dans nos représentations, et qu'un peu de plaisir viendra toujours effacer beaucoup de douleur. L'histoire et aussi la psychologie, avec l'étude de notre cerveau, de nos relations, la psychanalyse, nous ont appris que toute souffrance n'est peut-être pas facile à supporter, qu'il faut d'autres remèdes que le remède d'Épicure, mais peut-être que la boussole était la bonne et que Lucrèce n'avait pas tort de le mettre parmi les grands sages qui ont éclairé les vivants humains.